Oui, petit départ hésitant pour ce numéro 403 de Pyongyang City Rockers. Ouais, on a hésité, mais on est là. Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, les autres, là, ils se barrent en laissant le truc, et puis en fait, il manque 15 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant les 15 secondes? Alors qu'en plus, on n'est pas prévenu. Hein. Ouais. Il m'avait prévenu qu'il restait quelques secondes, mais pas 15. Donc, bref. Les aléas du direct, c'est affreux. Vous êtes bien sur la dernière radio pirate technique en conséquence de la métropole lilloise. C'est Radio Campus et Pyongyang City Rockers jusqu'à 21h. Au programme ce soir, des annonces de concerts et puis des trucs irlandais. Oui, il y en aura. Bravo. Ouais. Et puis bah, ce soir, on est deux, sauf si Henri arrive entre les rafales de grêle. Ouais, il arrive? Non, il arrive pas. Non, bon, bah c'est tout. Lui. Non, c'est Ali qui fait irruption parce qu'il veut absolument boire sa bière. Bon, ouais. Allez, on va arrêter de dire ce qui se passe dans le hall parce que de toute façon, si vous voulez le savoir, vous avez qu'à venir. On est au bâtiment Emma de la Cité Scientifique. Paf. Et puis bah, pour l'instant, je vais commencer tout cool, enfin avec un truc, c'est quasiment du mainstream. C'est passé limite. C'est Half Price, c'est un groupe qui vient de c'est un groupe qui vient d'Afrique du Sud. Ils font du punk festif, disent-ils. Bon, c'est surtout du ska punk. Hein. Et puis ils passeront lundi prochain au BNR, au bout de nos rêves. Il y aura aussi Flag Jerk, c'est du punk qui vient d'Allemagne, et les Lillois de Crystal Bullet and the Flying Chicken. Je pense que maintenant c'est Crystal Bullet tout court. Enfin bref, voici donc pour l'instant Half Price avec The Forgotten Future. Non, non, nous on n'a pas oublié le futur. Ah. He walked 10 miles each day to the nearest school that they could afford. They raised their boy good, a shotgun approach. They fired all the staff. The system breaks down when you need it the most. Learning in the dark, it's a hot, hot truth. We're fighting against a broken government. Learning the hard way, it's a cool, cold world. We don't dream anymore. Lay down in bed and curse the government. That's what faut le laisser finir là. Tu me regardes. Ouais, il faut. C'était Half Price. Ils seront au bout de nos rêves à tourner ce lundi prochain. Voilà. Non. Bah moi, je vais aller du côté de Bordeaux. Ouais. Alors, je vais vous passer les années Bergo de Capo Blood. On l'a déjà passé, mais moi, je suis resté bloqué dessus. Ça tourne en boucle sur ma platine. Donc, c'est sorti chez Chrome Records, Tapé dans le Mille, Kikyo Asso, UB87. UB87 qui veut dire Ultramarines Bordeaux. Ah ouais, d'accord. Et ça, bref, aussi, et l'excellent label Mawashi. Sans blague, c'est Big up, Gaël. Bonsoir. Bonsoir. Oi. Bientôt de retour parmi nous. Ouais. On le sait. Et on donc, l'attend de pied ferme. Voilà, ce soir, je dormirai en garde à vue et. Et puis, jamais je n'oublierai tout ce qu'on a vécu, les bastons, les galères et tous nos coups tordus, sévirer à picoler, à se défoncer, à en chialer. Les années Bergo m'ont changé à jamais. Bergo Good Boys. Le vendredi après le boulot, c'est l'heure. Toute la famille se rejoint au bunker. La cible cranable, on se fait beau. Et c'est parti, on se met sous à l'accro. Après quelques canettes et quelques feuilles de pinard, on zone un mode connard pour aller au bar. Arrivé à la victoire, ça cogne la bagarre. Chicken a les pété, bois un coca. Arrivé à l'antidote, on embrasse les poteaux. Et on va au comptoir taxer des bières au crado. En attendant, Sino qui est en train de trahir. Tout ce qu'on a bu, on est en train de gerber. Allez, lâche-nous, on peut juste picoler. Dégagez, vous faites chier, je vais fermer. Damien, ma Marie, nous fout sur le trottoir. Alors on va foutre la merde en petit quart. Complet, penché, tort, c'est nous les plus forts. On s'en fout, ce soir la ville est à nous. Complet, penché, tort, c'est nous les plus forts. On s'en fout, ce soir la ville est à nous. Je me réveille chez Bambam. Sur le carrelage, là, j'ai trop éclaté. Putain, qu'est-ce qu'il s'est encore passé. Ah ouais, cette nuit, on s'est encore bastonné. Et ce soir, je dormirai en garde à vue. Pendant que le Branco sera au PMU. En train de faire chez Sinop, pour ses lacets blancs. Chicken, Traco, Fred, foncé au volant. Tracé, les temps ont encore changé. Toutes ces sabreries appartiennent au passé. Et moi je suis là, comme à l'époque. Avec mes potes, avec la même boule à l'estomac. Jamais je n'oublierai tout ce qu'on a vécu. Les bastons, les galères et tous nos coups tordus. C'est viré à picoler, à se défoncer, à enchaler. Ça les vergognés m'ont changé à jamais. Ça les ont tracé, les temps ont encore changé. Toutes ces sabreries appartiennent au passé. Et moi je suis là, comme à l'époque. Avec mes potes, avec la même boule à l'estomac. Les années ont passé, les temps ont encore changé. Toutes les savories appartiennent au passé. Mais la savarie est là, toujours unie. Quand qu'elle le pourra, elle sera toujours là. La savarie est là, toujours unie. Tant qu'on le pourra, on sera toujours là. La savarie est là, toujours unie. Et tant qu'on le pourra, on sera toujours là. Ouais, et j'ai oublié RIP Chicken, Johan Roussy, 89-2020, RIP. Voilà, ce week-end, comme chacune et chacun le sait, c'est la braderie à Lille, donc il y aura des forces concerts un peu partout. Une belle programmation à la Mule Solo, il y a aussi des bons trucs au Café Disquaire. Et puis sinon, pour ceux qui ne veulent pas rester à Lille, peuvent toujours, s'ils ont pris le, les devants et qu'ils ont réussi à choper une place avant que ça soit complet, aller à Louis Pleur, à Travers Champs, c'est à Clark, c'est à l'air. QES, mais bon là ça fait un petit moment quand même que c'est compliqué de trouver une place. Ouais. Hein, j'ai été pris d'assaut en deux jours, ça a été c'était liquidé les 300 places. Il y aura plein de groupes, je donnerai le, ça y est je me souviens plus, mais bon de toute façon il y aura plein de groupes, dont un groupe de Leipzig qui s'appelle Laxisme. Pour les gens qui n'ont pas réussi à avoir leur place pour Louis Pleur, elles et ils pourront voir ce groupe Laxisme accompagné de Bronco Libre. Bah, je pense que Bronco Libre ils seront aussi Louis Pleur, oui. Il me semble. Enfin bref, en tout cas les deux groupes seront à Menin au Boogie Woogie, le Boogie Woogie sur la grande place de Menin, là, vous voyez, c'est tout près de Lille, franchement, c'est quasiment entre. C'est à côté d'Alloa, quoi, tu vois, tu connais Alloa. Ah, oui, bah, voilà, tu connais Alloa, bah, je suis à côté chez Menin. Et donc, c'est vendredi, hein. Je des clubs en passant. Si tu veux, enfin moi je ne me fume pas donc. Ouais. Et donc il y a une belle affiche en plus, un beau flyer avec Zorro. Si ça tombe, vous pourrez avoir ce flyer pour votre collection parce qu'ils l'auront peut-être imprimé sur papier. Hein. C'est donc ce vendredi 5 septembre au Boogie Woogie à partir de 19h pour un prix libre. Laxisme, Bronco Libre et DJ Retard. Voici donc sans plus attendre Laxisme qui font mon ombre. Faudrait que j'arrive à le lancer. Le vlog. C'est déjà fini, incroyable. C'était Laxisme, ils seront à Louis Pleur aussi, donc ils seront premièrement, ce que j'annonçais là, au Boogie Woogie Menin, vendredi soir, et puis samedi soir, ils seront à Louis Pleur numéro 4, avec donc bien Branco Libre, l'épreuve de ski, Secteur Pavé, Cours le Batristé, Cagnard, Baron avec un point d'interrogation, pas les Belges, les Français, il y aura encore quoi, Sequel, Inito, et puis Traître, enfin quoi, t'allais oublier Traître, bâtard. Bon voilà, on se retrouve là-bas pour les gens qui ont de la chance ou qui sont prévoyants. Pour une fois, je l'ai été, souvent je ne suis pas. Hein, donc voilà. Bref, vous écoutez Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6, DAB+, Canal 7C, ou alors sur le www.campuslille.com. J'ai tout dit. Oh yeah. Voilà, je serai pas ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas nous passer? Un truc que tu vas passer depuis longtemps aussi. Ah vas-y. Ouais. J'en passe pas souvent, mais quand j'en passe pendant des émissions. Ouais. Allez. Alors, c'est Nicap. Ouais. Alors, ils sont passés, je pense que c'était la semaine dernière ou quoi, Rock en scène ou quoi. Il y a deux semaines. Alors, il y avait un... Ouais, ils ont bien tenu le truc. Hein. Ouais, il y avait un ministre qui voulait les faire chier. Bah, et finalement... C'est ça que font les ministres, faire chier. Ouais, mais finalement, ils passent le 8 septembre et 9 septembre 2025 au Trianon à Paris. Uh-huh. Et le 10 et 11 novembre à l'Élysée-Montmartre à Paris. Ah, juste. Donc, bon... C'est des salles qui coûtent cher, ça. Ouais, c'est des salles qui coûtent cher, c'est pour les riches. Ouais, faut aller à Louis Pleur, hein, c'est prix libre. Ouais. Donc on trouve. Hein. Ouais, Louis Pleur à travers Chance. Et Nicap à Louis Pleur, je sais pas. Et le morceau c'est The Recap. Et faut pas oublier à la fin, il y a une petite phrase magique. D'accord. Ouais. Bon, on va tendre l'oreille. Mais c'est juste à la fin. Si j'attends. Où est-ce que je l'ai foutu? Bah, il est là. Ouais. A little bit of breaking news to bring you, and that is that counter-terrorism police will investigate the rap trio Kneecap. Moi, it's a bless, let it jump to Rekedes, loitering, cool tribes, and Tom's a tall rider rich, I'm real, this a nation bet, Kneecap, give them a frisk, spur on land, no deep, but we know they've got more than this, grim, now I almost throw to the bank, get me Cammy's money, I'll give her my thanks, we'll call it reparations, but I knock your wank, try to take my money, but I came and collected it. Think that you're fooling everybody, but you're not. Just like the irony, your career is gonna rot. Her arms are undercut. Yeah, me hit a smart decap. A rationation, a raw, the current guard. The shot against the rat that was chained to the hat. Me, you, Wally, no maggie, call the least of love, we lad. I'm a king, can you reach this? Come a kick up, kill my dad. Cut the cold, land the cock. Cuts a lid, the can the rat. Throw the crack, revise the fellas from the lower whack. Will they see me tear the lower in a vodka? Who'd shoot me? Cause I'm here to stroke. Power lines in the elections, and onwards and upwards, free Palestine. C'est fini là. Ouais, c'est fini. Il y a un truc, c'est, j'ai bien entendu à la fin. Ouais, ça sent bon. Assez bien. Et t'as oublié de dire un truc, il paraît. Ouais, c'est un featuring avec Mosey, M-O-Z-E-Y. C'est qui ça? C'est sûrement un Irish qui chante avec eux. Hein. Ouais, je pense. Pas d'Irish ce samedi au Pits à Courtrai. Par contre, il y aura trois groupes hardcore, dont un à tendance grind. Les groupes hardcore, c'est Listed et Clusterfucked. Et le groupe grind, allez, Grindcrust, Distill, Verpest, qui sont déjà passés X fois. Ça fait longtemps qu'ils traînent, ceux-là. Ça sera donc au Pits à Courtrai à partir de 18h ce samedi pour les gens qui veulent s'échapper de l'ambiance surchauffée et friteuse de la braderie. Voici donc, sans plus attendre, Clusterfucked avec I Don't Mind, Just Die. Mais à qui s'adresse-t-il ? On va savoir. Clusterfucked sur Campus 106,6 dans l'émission Pyongyang City Rockers numéro 403. Qu'avez-vous déclaré, mon cher Jamo ? Je déclare que je vais vous passer Fat Dog. Chez qui lui encore ? C'est un Irlandais ? Alors, je te laisse chercher. Hein. Ouais. Ben écoute. Non, ben on va écouter ma chanson. Pray to that. D'accord. Prie pour ça, ouais. À Skip, il devrait passer à Courtrai au mois de novembre. Ouais, alors j'ai l'info là. C'est Wild Western, le 8 novembre à 19h à Courtrai. Vajous. Bon, bah c'est bien. On aura le temps de le réannoncer une autre fois. Ouais. Voici donc. Fat Dog. We'll be right back. 20h28 minutes à l'antenne d'Or du Campus 106,6. J'ai retrouvé mes fiches, c'est... Stéphane. Ah, c'est Pion Goxy Rockers qui retrouve ses fiches. Ouais, enfin, c'est c'était Jumbo à Londres. C'est des Londoniens. Ouais, c'est d'accord. J'annonce quand même un truc qui va avoir lieu en plein milieu de la braderie. Ça sera au Bidule ce samedi. Il y aura Penrose Process, c'est du post-rock. Il y aura Swindlers, c'est des punks. Avec des gens de l'émission Trois Cordes et un Cerveau qui officie ici même le jeudi de 21h à 22h. Ouais. Dont Ron, le mec qui fait les manettes. Celui qui fait en sorte que leur émission elle est vachement mieux techniquement que la nôtre. Je tiens à le préciser. Et puis il y aura aussi Vedette. Excellent groupe glam avec les choucroutes et puis les fringues dans tous les azimuts et la musique qui va avec, eh bien ça sera au Bidule ce samedi à partir de 20h. Voilà, Vedette avec Pretty Blackout. Il y en a fait ma town, leather boot at my feet. Oh, look at me, babe. Fill me with your chaos. We gonna freak out the place. Oh, look at me. Walk your class, cut my finger in the tummy, cause 26 burns. And so I walk on another one. I don't remember my name, I'm bleeding from inside. But I'm drinking again, say hello to my pretty black owl. Oh, I get down on my shot of me in sin, but I'm too cold now. Going on the same old way. Oh, steal me, baby. Steal me with your bloody light. Oh, I will try the wood to my home even if I pay the Ouais, ça finit un peu en coup de poisson cette affaire. Hein? Ouais, effectivement. C'était Vedette avec un E parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà fait remarquer dans une autre radio. Ouais, comme la bière, mais non, en fait, peut-être qu'ils boivent de la bière, j'en sais rien. Ouais, vous leur demanderez samedi en passant au Bidule. C'est pas savoir. Ouais, moi je vais vous passer encore un vieux groupe que j'ai passé souvent, c'est les Stiffer Mods. Ouais, tu leur fais des petites infidélités là. Ouais, au début, tu étais à fond dessus. Ouais, ouais. Puis j'ai élargi mes horizons. Il le faut. C'est ouais. Bien. Donc je vais vous passer Aircon. Ça veut dire air conditionné. Ouais, c'est ça qui est marqué. C'est ce qui se passe à la radio. On a de l'air conditionné. Et tout, non, maintenant c'est fini. On a c'est fini, ils l'ont enlevé. C'est pour ça qu'il fait moins froid. Ouais. Ah merde. Il y a les odeurs qui reviennent en fait. Donc c'est issu. C'est issu d'un single Get Some Balls et Aircon. Donc, c'est sorti le 11 juillet 2024. D'accord. Stiffer ouais. Mods. Stiffer Mods. Je peux envoyer, là ? Ouais, tu peux. The loo smelled nice. Faces of death with the tickets. 50 potential loud problems covered the walls. I could have them all. Who cares? Death race burnt. Yeah. conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Alright, alright. Death race, burn the air conditioning. Smash out the warnings that everyone needs to hear. This is the air, this is the end. A thought called Black Monday. Deadly six day, right on by day. I can't believe the rich still exist. Let alone run the fucking country, mate. I won and I said, death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Car showroom looks fucking stupid, shiny. Inventions unobtainable for the real, obtainable for the tits. Big car, small life, and that's just the way it is. I've been in debt, confused for so long, it's not true. I won on the second death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Alright, alright. Alright, alright. Ouais, il paraît que Clifford Mods, il commence à devenir mainstream. Ah, t'as bah vu? Ouais. De toute façon, tu vois la foule qu'il y avait devant Handicap, c'est pareil. Hein. Enfin, à un moment. Dans le stade et tout. Là, et ouais. Et ouais, mon gars. Le... Quelque chose qui n'est pas mainstream, mais qui vaut quand même le coup. C'est Réveil Forcé, dont le numéro 3 vient de sortir. Excellent fanzine, dont nous avons déjà reçu ici même. Le Pierrock, c'est d'un fanzine, je rappelle, Punk et Graffiti, c'est marqué sur la couverture. Ce numéro 3 est noté pour l'été 2025 et c'est un voyage à New York qui vous est narré dedans, rempli de photos, de concerts furieux, de graffeurs en action et puis de la vie, tout simplement, qu'ils ont eu là-bas. Il y a aussi plein de textes, c'est un journal de bord en quelque sorte, qui couvre les 3 semaines passées par Pierrock et son pote dans le foutoir gigantesque qu'est New York. On ne perd rien des tribulations des deux petits Français aux prises avec les vigiles menaçants. Les Heineken à 16 dollars. Mmh. Ouais, dans un concert punk, attention. Ah ouais, ou en plus, tu peux payer avec un QR code. Ah ouais. Ah ouais, mais carrément. Et puis aussi, vous saurez comment chier dans un sac plastique quand on est tout en haut sur le toit d'un gratte-ciel. C'est écrit dedans. Bon, entre autres, hein, tout ça, il y a plein d'autres anecdotes. Donc, 40 pages A4 bourrées d'anecdotes, disais-je, et de talents. Ça se trouve en écrivant à Carpe Noctem, carpenoctem@gmail.com. Gmail, il a une adresse Gmail. Ah, il est vendu à Google. Non, vous pouvez quand même écrire, hein, ça va. Et puis, mon petit doigt me dit qu'il y en aura à Louis Pleur ce week-end pour les gens qui ont eu la bonne idée de se préparer à y aller. C'est donc Réveil Forcé numéro 3 que je vous recommande chaudement. Quelque chose maintenant que j'ai oublié d'annoncer, c'est un concert qui a lieu demain au Pit. Décidément, j'en annonce plein au Pit. Ça sera pour une fois pas du punk mais du blues. Et puis du trash blues, et puis du bluegrass punk. Big Bull and His Selfish Band. C'est en plus de ça un brésilien. Bon bah voilà. Hein. Et puis le Big Bull, qu'est-ce qu'il nous raconte maintenant? Eh ben il nous raconte que il voyage, traveling myself around. Et donc si vous voulez le voir, il sera demain soir au Pits à partir de 19h pour 5€ l'entrée avec un autre brésilien qui fait du trash blues, Extreme Blues Dog. Pour l'instant voici Big Bull and His Selfish Band. Selfish parce qu'il est tout seul. Traveling egoïste, myself. Selfish. Hein? Selfish, c'est égoïste, non? Ouais, absolument. C'est pour ça, c'est parce qu'il est tout seul. Ah, okay. Traveling myself around. Alone on the road in my bullet blue. It's where I found myself, how I go through. myself around. Once an enemy told me, take care about yourself. Life on the road is long, it's just you and nothing else. Keep your head up, your heart is your best gun. If you wanna survive, never trust no one. Traveling myself around, traveling myself around, traveling myself around, traveling myself around. Alone I go, no stop, no joke, with my weight high on the speed, traveling myself around. That we should go. That's the way to live a life on the road. Sometimes a bit of glory, sometimes a bit of sin. You must think twice before you begin. Traveling myself around, traveling myself around, traveling myself around, traveling myself around. Alone I go, no stop, no joke, with my wings high on the speed. Alone I go, no stop, no joke, with my wings high on the speed. Alone I go, no stop, no joke, with my wings high on the speed. Traveling myself around. Voilà, c'était quoi ça, Big Bull and Selfish Band qui passera demain soir au Pits. Vous y allez avec un chapeau, hein, sinon vous pouvez pas rentrer. Hein. Ah ouais. Attention, pas n'importe quel chapeau, hein, pas une casquette avec une étoile rouge dessus. Autre chose. Voilà, quelque chose qui fait partie des trucs que je devais diffuser depuis au moins 6 ou 7 mois. Puis vous savez ce que c'est entre les invités, les annonces concerts, toutes les superbes choses qu'on arrive à passer à l'antenne. Il y en a toujours qui, elles, réussissent à passer à travers et à se faire oublier. Et quand on s'aperçoit de l'oubli, bah, c'est trop tard, le groupe a décidé de se séparer. C'est le cas du groupe Le Massacre, né à Besançon en 2021, décédé au même endroit en avril 2025. Tout ceci dit, ça ne m'empêchera pas de passer un extrait de leur troisième EP On Sight, sorti en décembre 2024. D'ailleurs, le titre est éponyme, On Sight, par Le Massacre, sa cause de chasseur envers lesquels exerçait une vindicte méritée. La vindicte, c'est la vengeance. Voici Le Massacre avec On Sight. À vue. We'll be right back. c'était le massacre. Il y a des gens qui parlent dans le studio, ça ne va pas du tout. Non, pas du tout. Bon, vous pouvez rester. Hein. C'est les copains du conseil d'administration. Ah, c'est les copains. C'est les copains. C'est voilà. Et c'était donc le massacre dans Pyongyang City Rockers, numéro 403, sur Campus, 106,6. Voici un titre d'un groupe qui n'est jamais passé ici. Jamais, c'est dans jamais. Le plus grand secret, vous allez entendre un truc jamais passé. Ouais. Ouais, en fait, ça s'appelle Kneecap, je sais pas si vous connaissez. C'est des Irlandais. Ok. Et là, ils sont avec Paul Hartnell. C'est un Anglais qui fait partie du groupe Orbital, c'est un groupe électro un peu et tout. Ouais, je suis de l'électro. Eux aussi, ils deviennent mainstream, Kneecap. T'as vu ce que je disais? Ça devient, ouais. Et alors, la chanson s'appelle Sayonara. Donc, j'ai pas plus de références que ça sur le texte, mais j'ai vu le clip. Et ça parle du boulot. Enfin, le clip, c'est le boulot et les bruits qui dérangent et tout, comme et la boulot, machine à eau. Ouais, le boulot auquel un jour il faut dire sayonara, parce que bon, ouais, c'est pas la vie. La pomme que le patron il croque comme ça, tous des trucs, des bruits. Ah, mais moi, un patron qui croque des pommes, c'est inadmissible, là, je vais voir le syndicat. Bah ouais, il faut, parce que quand t'entends la machine à eau, plus la pomme, plus le taille-crayon et tout. Voilà, Kneecap. Kneecap et Paul Hartnell, Sayonara. disait Stéphanie. Ouais, eh bah dis donc, en effet, ils deviennent mainstream. Hein, les... ouais, je m'en tiens. Mainstream. En regardant le clip, il est trouvable sur toutes les plateformes, enfin, commerciales de vidéos. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Qu'est-ce que je voulais raconter ? Ah oui, mais j'ai encore un truc à annoncer qui va se passer samedi, en plein milieu de la braderie, ça sera au distro, où il y aura plein de monde. Ça commencera par un DJ set reggae ska dub avec Ellie Hunt. Ensuite, à partir de 18h, il y aura Coton Blanc, c'est du rap. À 19h, il y aura Sinistre Rose, Dark Wave. 20h, il y aura Très Amer, Grunge Rap. Grunge Rap, les gars, t'as vu. Et puis, ça finira avec un DJ set La Déviance, techno, à partir de 22h. Tout cela au distro, 6 rue Georges Mertens, à partir de 16h. Donc, l'entrée, forcément, elle est gratuite. Et puis, vous dites bonjour, coucou, de la part de Pyongyang Steel Rockers, parce qu'on est connus là-bas. Hein. Bien nananère. Eh bien, puisque c'est ainsi, voici Sinistre Rose qui donc joueront au distro 19h ce samedi. Les voici avec Holy Nights. Sinistre Rose, ils viennent de Valenciennes. C'est il faut le dire. Holy Nights, ouais. Yeah. C'était Sinistre Rose avec Holy Nights à l'antenne de Campus 106,6. Dis donc, il est 20h55 et on a déjà quasiment plus rien à passer. Donc, c'est le moment de récapituler ce que c'est que cette émission. C'est Pyongyang City Rockers, c'est le numéro 403. La semaine prochaine, ça sera le numéro 404. Soin la voiture. Et puis, dans deux semaines, le 17, nous aurons l'honneur et la joie de recevoir une partie de l'équipe du Rat Rock, le festival gratos qui a lieu à Harelbeck tous les ans, qui aura lieu donc le 20 septembre. Ces gens seront là dans deux semaines pour passer la programmation, puis on leur posera des questions, on essaiera de leur parler un flamand presque compréhensible. Je sais pas si je vais y arriver, tu sais. On parlera français ou anglais, peut-être. On va savoir. Normalement, et si tout va bien, le Pierrock devrait faire aussi irruption dans les studios dans pas trop longtemps pour nous parler un petit peu plus avant de ces... toutes les anecdotes qu'il n'a pas voulu mettre dans Réveil Forcé parce qu'elles seraient peut-être un peu olé-olé. Il va les dire à l'antenne. Mais on ne sait pas encore quand. Il faut qu'il se décide à venir, le garçon. Voilà. Et puis après, il y aura plein d'autres gens qui viendront. Puis on passera de la musique. Et puis on va finir et conclure avec quelque chose. J'avais envie de finir avec Versailles de Capo Blood. Je te dis, c'est mon disque de chopée. T'as une anecdote là-dessus, ouais, c'est ça? À chaque coup que je me barre de chez moi, c'est la fin de Versailles et je kiffe trop ce morceau, en fait. Marrant, ça. Ouais, c'est pas de la hoï, mais j'aime bien. Il y a pas de paroles et tout, mais c'est cool. Donc, si on peut se dire au revoir là-dessus, ça peut être cool. Disons-nous au revoir là-dessus pendant que je le lance. Le voici. Ça va être donc Capo Blood. Au fait, à la semaine prochaine. Et on n'oublie pas... Un cab à fond.